My fucking fake chains don't shine, nigga. Now I'm talking about. I ain't got no money, yet that sucks, nigga. Now I'm talking about. When you want a girl but you ugly as fuck, nigga. Now I'm talking about. When you're in the hood and you got robbed, nigga. Bitch. Now I'm talking about. Story of my life. Wanna suicide with a knife, cause I ain't got no wife and I ain't got no life. Staying in my house, jerking off my whole life. My dick the size off to fries. Gotta see this with your own eyes. Nah, I'm not telling lies. That shit got me paralyzed. Don't laugh. Gonna kill a nigga and rip off his dick. Say hello to my new penis. Now these hoes will blow my pogo stick, doing things with their lips. But since I'm a virgin, I ain't got no skills. What? I come too fast for her. Please, baby, forgive me. You ooh-oh. My fucking fake chains don't shine, nigga. Now I'm talking about. I ain't got no money, yet that sucks, nigga. Now I'm talking about. When you want a girl but you ugly as fuck, nigga. Now I'm talking about. When you finally got her but come too fast, nigga. Now I'm talking about. Yeah, now I'm talking about. It makes no fucking doubt. Reptilian shit in here. You know what I'm about. Banging your bitch while you working. She got no ass but she twerking. Gonna call that bitch Miley. Since she smiles, I call her Smiley. You know my greed. That greed is Yoloho. Eating some weed. I don't smoke, eat it for hoes. I'm taking the pose. Hey, my nipple is exposed. My dick a little small. But hey, up there it's cold. Ma bite sur ton front, ça fait une licorne. Tu vois de quoi je parle? Cette pute gobe le chibre comme une gloutonne. Tu vois de quoi je parle? Quand elle voit que tu l'espionnes dans une boutique. Tu vois de quoi je parle? La galère de cacher une érection en public. Tu vois de quoi je parle? J'ai mon CAP puceau. Elle se moque de moi car je suis gros. Ou bien parce que je suis chauve et je m'appelle Jean Guimauve. J'ai mon CAP puceau. Elle se moque de moi car je suis gros. Ou bien parce que je suis chauve et je m'appelle Jean Guimauve. Trop de moments embarrassants où l'on m'a enfoncé, mais un jour viendra la vengeance. Je baiserai leur maman au vagin violacé et ils maudiront mon existence. L'homme au duvet d'adolescent qui leur fait un petit refrain et ils réclameront la potence. Un gros chibre aguichant qui va bien les relaxer. Puis viendra le jour de ta naissance. Je distribue mon sperme comme des tickets de tombola. En bonus je te file le virus Ebola. Je l'ai chopé en baisant une saleté de bamboula. Mais assez de blablabla. Je parle trop de sexe. Ma vie tourne autour des poitrines. C'est comme un réflexe. Et parfois ça me chagrine. Danny the Brown. Danny the Brown. Branlito. Branlito. Beat. Little shit. Yeah.